Histoire vivante jusqu'à 14h, c'est tout de suite sur la première. Très bel après-midi à tous. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Alors Hitler, cette semaine, la guerre et les affaires. Affrontement et rapprochement. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Il faut bien penser que le premier acte de collaboration, c'est la signature d'un armistice. SOL, debout ! Notre pays meurtri par la défaite, accablé par les clauses de l'armistice, et maintenant aux prises avec ceux qui hier furent ses alliés ou se disaient ses amis. Aujourd'hui, la collaboration, premier épisode. Le service d'ordre légionnaire SOL est une organisation politique et paramilitaire de choc du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce jour-là, leur chef, Joseph Darnan, s'adresse à eux. Plus profond de son peuple, chair de sa chair, vous aurez l'honneur de servir chaque jour, obscurément, dans la tâche quotidienne du redressement français, de servir dans les tâches dures mais glorieuses que l'avenir et le chef pourront vous réserver, de donner peut-être votre sang, votre vie, avec pour seule récompense la joie d'avoir servi. À genoux! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer toutes mes forces à faire triompher la Révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout ! Pascal Horry, historien. Joseph Darnan est, d'une certaine façon, une vieille culotte de peau. C'est un très courageux ancien combattant de 14-18 comme de 39-45. C'est un patriote indomptable. Et à l'été 1940, il semble bien qu'il hésite sérieusement entre poursuivre la lutte contre les Allemands et se rallier à Vichy. Pétain était le vainqueur de Verdun. Et Joseph Darnan a donc choisi Vichy plutôt que Londres. 4 ans plus tard, ou même un peu moins, il prête serment à Hitler et il est en costume de Waffen-SS. Seulement, et c'est là la grande responsabilité, à mon avis, de Pétain, en termes de responsabilité, qu'il faut quand même poser, puisque la justice française les a posés en ce terme à la Libération, Pétain était le vainqueur de Verdun, et pour beaucoup, il ne pouvait pas être soupçonnable d'une quelconque forfaiture et d'une quelconque germanophilie. Et Joseph Darnan a donc choisi Vichy plutôt que Londres. 4 ans plus tard, il prête serment à Hitler et il est en costume de Waffen-SS. Il y a donc là des glissements très nets, et on pourrait retrouver cette radicalisation chez beaucoup de personnes. Le refus et l'attentisme ont été en 1940 les deux seules attitudes permettant de ne pas se compromettre avec le vainqueur. Une troisième attitude a consisté à se mettre au service de l'Allemagne par opportunisme ou encore par séduction pour les succès du régime hitlérien. Croyant faire preuve de réalisme, les collaborateurs ont de fait commis l'erreur de supposer la victoire allemande définitive. Attitude qui liait leur propre destin, sans autre issue possible, à celui de l'Allemagne hitlérienne. Claude Lévy, historien, auteur de « Les nouveaux temps et l'idéologie de la collaboration ». Il y a deux types de collaborateurs à distinguer. D'une part, une collaboration d'État qui est le fait du gouvernement de Vichy. Il est indéniable que dans cette collaboration d'État, l'initiative est venue non de Hitler, qui voulait s'en tenir uniquement à l'armistice, mais de Vichy, qui voulait assouplir cette politique et qui voulait surtout obtenir une place préférentielle dans l'Europe de Hitler en vue d'un traité de paix. Et puis, il y a d'autre part, selon la formule de l'historien américain Stanley Hoffman, une collaboration politique qui est surtout la collaboration de Paris. Une collaboration qui veut aller au-delà de ce que veut Vichy, d'où le nom qu'on a donné à ces gens-là d'ultra, et qui se veut non pas réactionnaire, comme le disent certains collaborateurs, mais qui se veut au contraire révolutionnaire. Et sur ce point, il y a des textes qui sont particulièrement révélateurs. La trajectoire d'Abel Bonnard est à la fois classique d'un parcours au sein de la droite radicale et atypique. Atypique car Bonnard, homosexuel, et qu'il ne s'en cachait pas, y compris sous l'occupation. Ce qui, quand on connaît le discours envers les homosexuels tenu par l'extrême droite, et le sort que les nazis ont réservé à ceux qui étaient marqués par le triangle rose dans les camps de concentration, n'est pas sans poser de questions. Bonnard est un homme du 19e siècle. Il est né à Poitiers en 1883. Il fait d'abord une brillante carrière littéraire comme poète et romancier, au point d'être élu à l'Académie française en 1932, puis radié à la Libération. Adepte de Charles Maurras, Bonnard ne sera pas un collaborateur par opportunisme, mais par conviction idéologique, lui qui évoluera vers le fascisme dès la fin des années 20, pour finalement quitter l'Action française en 1935 et rejoindre le Parti populaire français, le PPF, de Jacques Doriot. Collaborationniste de la première heure, Abel Bonnard deviendra, en 1942, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, poste qu'il occupera jusqu'à la Libération. Après avoir suivi les ultras de la collaboration dans l'aventure de Sigmaringen, il parvient à gagner l'Espagne, où il décède en 1968. Ses pensées dans l'action sont un recueil de textes allant du 22 août au 28 novembre 1940. Nous devons donc souhaiter une collaboration loyale avec l'Allemagne où nous lui prouverons notre importance par les forces de vie que nous tirerons de nous-mêmes. Monsieur Marcel Déat a écrit sur ce sujet des articles aussi sensés que courageux. Et moi-même, j'écris celui-ci parce que je crois que c'est mon devoir. Il faut que les Français connaissent dès maintenant ce bonheur que la République bourgeoise ne leur a jamais procuré de travailler dans un ensemble où le balayeur diligent, qui rend sa rue propre et nette, se sentira associé aux premiers serviteurs de l'État, pourvu que ces derniers soient ce qu'ils doivent être. Cet engagement dans la collaboration passe par un ralliement absolu à la figure du maréchal Pétain, considéré comme le chef qui, déjà sauveur de la France en 1917, lui apportera une seconde fois le salut. Cela au moins est changé, et il est d'abord satisfaisant que celui qui nous représente ne s'appelle pas président, mais chef. C'est-à-dire qu'il ne soit plus un homme assis parmi des intrigues qu'il ne domine point, mais un homme debout devant une nation qu'il dirige. Le maréchal Pétain est si bien fait pour la fonction qu'il remplit qu'on ne conçoit pas qui pourrait y prétendre quand il est là. Quelle gloire est chez nous en ce moment plus pleine et plus pure, plus solide et plus loyale que la sienne ? Tandis que résonnait cette voix du seul homme qui put alors parler pour la France, j'ai vu des femmes pleurer, des hommes pâlir. Et je me suis dit que ceux qu'elles n'avaient pas émus jusqu'au fond d'eux-mêmes ne vaudraient jamais rien pour notre pays. Pascal Horry, historien. Le collaborationniste serait en quelque sorte un homme qui a une idéologie de la collaboration, qui est consciente et organisée, étant bien entendu qu'il peut à la fois être un opportuniste ou au contraire un idéologue, hein, qui croit profondément que l'Europe nouvelle doit être construite sur des bases qui sont grosso modo les bases posées par la nouvelle Allemagne. Alors que le collaborateur sera un personnage plus flou dans ses contours, qui se trouvera dans une situation d'État avec un petit E ou d'État avec un grand E, qui l'amène à travailler avec l'Allemagne. Il faut bien penser que le premier acte de collaboration, c'est la signature d'un armistice. La signature d'un armistice suppose que celui qui était votre ennemi une minute avant ne l'est plus complètement, sans être tout à fait votre ami, puisque ce n'est pas encore le traité de paix, qu'il n'y a jamais eu de traité de paix. Mais un armistice, et les stipulations de l'armistice de juin 40 sont très claires là-dessus, supposent qu'il y a quotidiennement dialogue avec la puissance, en l'occurrence appelons-la occupante, pour une partie du territoire jusqu'en 42 et pour la totalité de ce territoire à partir de 42. Ça veut dire que chaque jour l'État français livre des sommes d'argent, du matériel, des matières premières, voire éventuellement des hommes. Bon, ceci est dans les stipulations de l'armistice, on peut appeler ça de la collaboration au sens strict du terme. Extrait de l'armistice de 1940, négociations et conséquences, article de Françoise Berger. Face aux deux perspectives qui s'offrent au gouvernement avec la débâcle, à savoir capituler en métropole et transférer le gouvernement en Afrique du Nord, ou demander aux Allemands les conditions d'un armistice, les tensions sont vives au sein même du gouvernement. Le 29 mai, le général Weygand envoie une note à Paul Reynaud envisageant une cessation des combats dans le cas où l'on ne pourrait stopper l'avancée allemande, puis une nouvelle note de même teneur le 10 juin. Le 15 juin, du fait de la réponse du président Roosevelt, négative, et du refus de nombreux membres du gouvernement français de quitter le sol national, Paul Reynaud demande à Londres l'autorisation de poser à l'Allemagne et à l'Italie la question des conditions d'un armistice. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne de la présidence du Conseil et Philippe Pétain lui succède. C'est donc le camp favorable à l'armistice qui a gagné et la demande de cessation des hostilités est faite aux Allemands dès le lendemain. Les délégations allemandes et françaises font leur première rencontre à Rotonde dans l'après-midi du 21 juin 1940. Ce n'est guère une négociation dont il s'agit. Le maréchal Keitel, qui dirige la délégation allemande, lit un message d'Hitler et présente un texte de convention d'armistice pour lequel il se montre d'une grande intransigeance. Pendant ce temps, à Bordeaux, dans l'attente que soient communiquées les conditions d'armistice, les spéculations vont bon train sur l'attitude qui devrait être celle du gouvernement français au cas où ces conditions seraient contraires à l'honneur. La délégation française éprouve des difficultés à communiquer avec le gouvernement à Bordeaux, mais un échange téléphonique a lieu le 21, en début de soirée, entre le général Hunziger, chef de la délégation française à Rotonde, et le ministre de la Défense à Bordeaux, le général Weygand, qui avait donné pour instruction aux négociateurs de ne pas céder sur trois points. La livraison de la flotte, l'occupation totale du territoire métropolitain, l'installation des Allemands dans l'Empire. Le projet allemand de convention d'armistice est commenté immédiatement, article par article, sans doute pour le Conseil des ministres qui se tient le 22 juin au matin à Bordeaux. Ce Conseil réitère son appel pour que cessent les hostilités durant les négociations et demande des modifications pour plusieurs articles du texte. Ces demandes sont présentées à la délégation allemande par le général Hunziger, à qui elles ont été transmises par téléphone. Peu de temps après, sont données les réponses allemandes, transmises et commentées pour le Conseil des ministres, qui doit avoir lieu à Bordeaux, le même jour, à 14h. La délégation est soumise à un ultimatum. Tout au plus, les Français parviennent-ils à obtenir que les avions militaires ne soient pas livrés à l'Allemagne et que le ravitaillement de la zone sud soit plus ou moins assuré. Les dernières heures de la négociation sont très difficiles. L'armistice est signé le 22 juin à 18h50. Dans les régions occupées de la France, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations relatives à l'exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours de l'administration française. Les forces armées françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmé dans un délai encore à déterminer. Comme garantie de la stricte observation des conditions d'armistice, il pourra être exigé que toutes les pièces d'artillerie, les chars de combat, les engins anti-chars, les avions militaires, les canons de la DCA, les armes d'infanterie, tous les moyens de traction et les munitions de l'unité de l'armée française engagée contre l'Allemagne et qui se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur le territoire ne devant pas être occupé par l'Allemagne, soit livré en bon état. La commission allemande d'armistice décidera de l'étendue de ces livraisons. Les armes, munitions et matériel de guerre de toute espèce restant en territoire français non occupé, dans la mesure où ceux-ci n'auront pas été laissés à la disposition du gouvernement français pour l'armement des unités françaises autorisées, devront être entreposés ou mis en sécurité sous contrôle allemand. Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français. Autrement dit, pour ce dernier article, 400 millions de francs par jour. Maréchal Pétain, 30 octobre 1940. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible, 4 mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auxquels ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. Pascal Horry, historien. Le terme de collaboration a un passé. Vers 1939, il était appliqué généralement au domaine économique et social, où il pouvait se traduire en ce que nous appellerions aujourd'hui la collaboration de classe, et un certain nombre de syndicalistes, plus ou moins tentés par le corporatisme, utilisaient déjà ce terme. C'est bien sûr Pétain qui va le populariser en 1940, le 30 octobre 1940, après quelques jours apparemment de silence, pour tirer les conclusions politiques auprès de l'opinion publique française par un discours radiophonique de la rencontre de Montoire. C'est à ce moment-là qu'il prononce la phrase « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». Et c'est ce jour-là que le mot acquiert en quelque sorte un cachet officiel. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. La collaboration d'État est bien sûr le fait des différents dirigeants et des successifs dirigeants de Vichy. Il faut quand même se poser la question de la responsabilité de Pétain, qui reste quand même au pouvoir jusqu'à la dernière minute, y compris quand son gouvernement prend une allure purement et simplement fascisante, il faut bien le dire, en 1944. Il y a la question de gens comme Darlan, l'amiral, ou comme Pucheux, le technocrate, pour simplifier, qui sont de purs opportunistes. Darlan est un produit de la Troisième République, il avait plutôt des sympathies radicales, disait-on, avant-guerre. C'est un homme qui a surtout choyé la marine et qui a une anglophobie de marin. Bon, son idéologie s'arrête là. Or, c'est lui qui va pousser le plus loin les tentatives de collaboration militaire, plus que Laval. Il y a donc une série de collaborations d'État qui peuvent aller très loin dans leurs implications, généralement policières, militaires, économiques. Et puis Laval, bien entendu, qui revient au pouvoir à partir du printemps 1942 et qui croit encore qu'on peut négocier, alors qu'il n'est même plus David en face de Goliath. Il n'est bientôt plus rien, surtout à partir de novembre 1942, où il n'a plus aucun des atouts que pouvait conserver Vichy. 22 octobre 1942. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous entendrez une déclaration du président Pierre Laval, chef du gouvernement. Ne quittez pas l'écoute. Vous allez entendre une déclaration du président Pierre Laval, chef du gouvernement. Le président Pierre Laval vous parle. J'ai connu dans ma vie publique des moments difficiles où le sort de la France était en péril. C'est toujours à 16 heures que j'arrive au pouvoir. C'est dans ces termes que je m'adressais à vous le 20 avril dernier. Depuis, les événements se sont succédés. Et notre situation est aujourd'hui tragique. Le maréchal, en accroissant mes pouvoirs, vient de me charger du plus lourd fardeau qui pouvait peser sur les épaules d'un homme. Moi qui ai vécu près de lui pendant ces derniers jours, je sais avec quelle admirable fermeté il supporte les coups que la France reçoit. Il incarne les valeurs permanentes selon lesquelles notre patrie doit renaître. Je vous dois une explication franche. Nous ne pouvons pas vivre dans l'équivoque. Notre pays meurtri par la défaite, accablé par les clauses de l'armistice, est maintenant aux prises avec ceux qui hier furent ses alliés ou se disaient ses amis. La France n'est la France que si elle a un empire. L'Angleterre et les États-Unis nous l'ont arraché morceau par morceau. Et sans cet empire, la France ne peut pas vivre. Ceux qui furent nos alliés, ou ceux qui se prétendent nos amis, disent qu'ils rendront à notre pays ces territoires lointains. Il en est parmi vous qui croient, mais l'histoire nous rappelle l'égoïsme, la dureté de ceux qui nous ont enlevés dans le passé, l'une après l'autre, les Indes, le Canada, ces possessions magnifiques de l'ancienne France. Je ne crois pas à la générosité des Anglo-Saxons, et je transporte aujourd'hui sur le plan de la défense des intérêts de la France, tout l'instinct de ma race. Français, comprenez que vous ne devez pas vous laisser tromper et abuser par les propagandes de l'étranger, et que les radios de Londres et de Boston n'ont qu'un but, égarer vos esprits pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des émigrés chaque soir qui vous parlent, pour justifier leur fuite. Et l'hospitalité qu'ils trouvent chez nos ennemis, ils sont obligés de jeter de la boue sur leur propre pays. Les émigrés ont toujours eu tort dans l'histoire. La France est un vieux pays qu'on ne peut détruire. Un pays de grandes traditions et de fortes cultures. L'histoire nous enseigne que c'est d'elle et d'elle seule que toujours est venu son salut. L'intérêt supérieur de la France exige que nous fassions une politique d'entente avec l'Allemagne. On dit parfois que cette politique est trompeuse parce qu'elle serait fondée sur la générosité du vainqueur, certes, Depuis l'armistice, il y a eu des actes généreux de la part du vainqueur, notamment la libération de plus de 600 000 prisonniers, et le gouvernement français en a remercié le chancelier Hitler. Mais il n'est pas moins vrai que les rapports entre les peuples ne peuvent être solidement, durablement fondés que sur la claire notion qu'ils ont de leurs intérêts. Nous serons toujours les voisins de l'Allemagne, et toujours nous nous battrons, aussi longtemps qu'un accord définitif ne sera pas intervenu entre nous. C'est une vérité d'évidence que sans cesse je dois rappeler. Les événements qui se déroulent dans le monde ont une signification claire. L'Allemagne s'est dressée devant le bolchevisme. Avec tous ceux qui combattent à ses côtés, elle le contient et l'empêche de déferler sur l'Europe. J'ai la certitude, et ne doutez pas une seconde que je n'exprime la vérité, que si l'Allemagne était battue, les Soviets feraient demain la loi en Europe. C'en serait alors fini de l'indépendance et du patriotisme des nations. C'en serait fini aussi de cette politique humaine généreuse, en un mot du vrai socialisme, qui sur les ruines d'un capitalisme qui a abusé de sa puissance, s'imposera demain à l'Europe, tout en respectant le génie propre de chaque peuple. Pascal Horry, historien. Puis d'autre part, il y a une collaboration d'État avec un petit E, qui pose plus largement le problème des collaborateurs par rapport aux collaborationnistes, c'est-à-dire tous ces agents économiques et sociaux, tous ces agents des services, qui en restant en place, sont bien obligés de travailler directement ou indirectement pour les machines de guerre allemandes, les fonctionnaires, les entrepreneurs. C'est là que, par exemple, à la Libération, les tribunaux d'épuration dans le domaine économique ont établi une sorte de règle qui était de sanctionner l'excès de zèle des entrepreneurs, et non pas le simple fait d'être resté en place et d'avoir donné du travail à des Français. Mais il est clair que là, les glissements sont toujours possibles. Dans quelle mesure est-ce qu'un entrepreneur qui accepte de livrer ou qui est contraint, mais dans quelle mesure y est-il contraint, une partie de sa production aux Allemands, est-il un collaborateur? Il y a là un problème qu'il faut quand même clairement poser, même si pour des raisons diverses, et en particulier parce qu'on avait besoin des mêmes souvent pour faire repartir la machine administrative et économique française, on l'a posé en termes, disons, relativement modérés à la Libération. Demain, la suite de cette évocation, il sera question de la collaboration, l'idéologique, l'économique et l'opportuniste. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.